fouille car j'ai shit sous les vêtements. Ils ont laissé passer les déclasses et dépassé par les événements. Souvent à la nique car on le fait bêtement pour en faire taire. J'étouffe, cherche un second souffle, un tour en terre. T'as pas de talent, tu me compares, tu veux qu'on parle de concept. Arrête de croire que tu vas remplir des salles de concert. On barre ta place mon frère, cherche des liasses, des tasses, des bonnes basses. Donc t'as pas ce qu'on cherche. Monte à bord, y'a pas de capitaine, y'a pas que moi qui paye. Arrête de te plaindre, abuser ça tu sais, y'a pas que toi qui saigne. Stop, ce que tu mérites, man c'est des claques. Donc arrête de taxer des clubs. Laisser des traces dédicaces et des blocs. Black, blanc, beurre, musical. J'pourrais rapper sur des battements de cœur. T'observes quand tu vois les autres faire les sauces pertes. J'suis pas un exemple pour les petits frères, donc j'suis pas sur fausse paire. Les petits sur tout phrase, les frères. J'te parle de conséquences, mon pote, j'te rappe la cause. J'te tacle à la gorge, ma gueule comme un camé qui a pas sa dose. Besoin de matos. Si j'te la mets sale coche, ne va pas le dire à tout le monde. J'accroche une lacoste sur la tête, t'inquiète, la mixtape elle sort gratos. Bla bla bla, le singe taille au micro. Écoute, hein, j'monte le niveau frangin. T'es mal engin, on veut pas finir dans des comics. Les hôpitaux, vite comme le frigo, donc faut du bistard, du bisilico. Rigolo, je n'ai pas la vie d'un autre, pas la vie d'un autre, pas la vie d'un avocat photo. Faut allumer la mèche, faut frère, pas tant tu vas polluer la tête, détresse. Le rap ça paye pas, pas d'arrangement, pas de chèque ni d'espèce. Le rap un casse-tête, alors je laisse des traces sec, d'accord. Dites-leur que c'est hardcore, les mecs, on se prend pas pour des rappeurs des states. Baisse les yeux, les petites lattes, te crève tes pneus. On te jette des punchlines, fini l'époque où on te jette des œufs. Hein, avant de vouloir mettre un coup de queue, jette un coup d'œil douteux. Moi perso, je vide la bouteille, j'en ai rien à foutre. Retirer les masques, c'est pas du rap de t'aspect. Ici, si tu casses, man, man, tu vas te faire masquer. Rap de banlieusard, qui se vide le soir sur face B. Style d'enfoiré, je rappe en soirée, pas besoin de savoir si ça le fait. Tu fais le con quand je pose pour l'oseille, car le soir, les potos s'habillent comme la faucheuse. Vas-y, ose, pose le ton revolver. Bosse la chose comme des boss, vieux rappeur, on sait que tes rumeurs sont fausses. Si charmant c'était val l'acheter. Que veux-tu que je te dise, je suis solo face à une équipe de bras cassés. Effectivement de caillasser, ça c'est net. Ta bête arrête de parler de sa bonnette. C'est tout ce que t'as ramassé, tout le monde dans le même sac. Y'a pas de mise à part, tu parles, tu mets pas de blase. Comment veux-tu qu'on sache de qui tu parles? Y'a mon équipe se lâche, nous on rappe sur tout. Toi tu parles de nous, t'es qu'un fils de lâche. Les cœurs s'ouvrent, souffrent, les poèmes évoluent. La peur tourne, faut qu'un problème résolu. Dans nos vies y'a pas de liasse, y'a pas de héros blaireau. Balak, tu vas te faire tes sauts à 06H00. Tout le monde compte sur toi, toi tu rates le péno. C'est pas par hasard qu'on se lasse, qu'on repart à zéro, hein. J'assume, j'accuse pas les autres. Arrêtez de parler, vous savez, je préfère les tuer par les mots. Les montagnes ne se croisent pas, est-ce qu'elles se ressemblent? On garde la tête haute, mais la haine se ressent. Je veux pas savoir si ça parle bien. Dans la trêve, on rêve de voyage, vu que le monde nous appartient. Quoi, c'est trop nul, on m'a dit de baisser le son. Rien de bien sérieux, on accumule les exceptions. J'ai demandé pardon quand j'ai fait le con. Je préfère la forme, mais on me demande de respecter le fond.